Donc, eh bien, vous le savez, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Louisette Faregno et Marie-France Calas pour nous aider à commencer à débroussailler le terrain de cette question de la tension donc, entre volonté d'autonomie, sur laquelle donc, on a beaucoup insisté avec les groupes vidéo, et inscription institutionnelle. Sébastien l'a rappelé, il était important à nos yeux, et vraiment on en a pris conscience au bout d'une année de travail, d'essayer de briser un petit peu ou d'atténuer cette vision un peu univoque qu'on a tendance à avoir dans le champ des études sur le cinéma et la vidéo militante, à savoir que les groupes vidéo étaient caractérisés effectivement par une autonomie radicale, autonomie politique radicale, autonomie financière radicale, etc. Or, on s'est aperçu au cours des présentations menées l'an dernier, évidemment, que les rapports avec les institutions, avec la télévision, avec des structures publiques, avec des maisons des jeunes et de la culture, avec des maisons de la culture, etc., étaient en fait assez importants, selon des modalités très diverses, aussi bien au niveau du matériel que de financement, en termes de diffusion, etc. Donc c'était vraiment cette question qu'on avait envie de creuser. Et dans un premier temps, justement, on avait envie de revenir sur ces enjeux avec Louisette, qui est réalisatrice. Tu as réalisé des films militants dans les années 70, justement, donc tu vas nous en parler aussi, puisque c'est évidemment important de savoir d'où tu parles. Tu as été membre du MEI et du bureau de la Fédération européenne du cinéma progressiste, la FECIP, dans les années 70, donc une des structurations extrêmement importantes qui va être donc évoquée par Louisette. Et tu es aussi anciennement, donc, enfin, tu as été maîtresse de conférence, tu es à la retraite, donc, à l'université de Lille 3. Donc, j'aurais envie de commencer par te poser la question un peu toute simple. Comment t'es-tu retrouvée impliquée dans cette histoire de l'audiovisuel militant ou dit d'intervention, puisque Sébastien, tu l'as rappelé, l'appellation, la dénomination change justement autour de 78 et de la création du mouvement audiovisuel d'intervention. Donc, quelle était ta formation, peut-être ton ancrage politique et déjà ton rapport aux images animées? Peut-être pourrais-tu commencer par cela. D'accord. Ben donc d'abord, comme tu l'as évoqué, j'ai été enseignante à l'université de Lille 3 et cette section en fait a une histoire un peu particulière puisque ces conditions de naissance sont en fait la mise en place par des étudiants qui animaient le ciné-club étudiant Aurore, qui avait été pendant longtemps animé par Delos, par Sim Solo et d'autres personnes. En fait, qui sont entrés en rupture avec cette conception et qui ont engagé donc un travail de réflexion sur le cinéma russe et aussi sur les expériences de cinéma dans les autres continents. Et donc, un groupe d'études cinématographiques s'est créé en 68 et c'est pour répondre en fait à ce groupe d'études cinématographiques et à cet intérêt naissant que en fait l'université a commencé à penser à la mise en place d'une section. Deuxième chose importante, donc, comme tu l'as dit, mon positionnement politique qui fait que de par à la fois mon histoire familiale et mes premières années d'enseignement dans le secondaire, je me suis assez vite rapprochée dans le cadre de mon enseignement de deux groupes successifs d'étudiants. Le premier groupe, c'est donc ce groupe issu de ce ciné-club que j'évoquais à l'instant, qui est un groupe qui a travaillé très rapidement en liaison dans un premier temps avec le mouvement tel quel et avec les cahiers du cinéma. Et en particulier, donc, qui a été partie prenante de la tentative des cahiers du cinéma de créer ce front culturel, qui nous a donc conduit à des échanges avec eux, la venue d'Anne et de Toubiana à Lille pour un cycle de films, etc. La deuxième chose, c'est que très vite, donc, me rapprochant de ce mouvement qui se politise donc très fort et qui va ensuite se rapprocher d'une organisation politique d'extrême gauche, marxiste-léniniste en fait, je vais m'intégrer assez vite dans un groupe qui est un groupe d'abord de réalisation de montage diapo. Dans le Nord, vous le verrez, le montage diapo a une place plus importante avant la vidéo. Et ensuite, donc, se tourner vers la vidéo. Il portera le nom du groupe de la Petite Vis, la petite vis de la Révolution, mais je ne vais pas m'étendre autant là-dessus, et, parce que c'est tout simple, quoi. Et en 73, donc, on fait un suivi vidéo d'un mouvement qui s'est déclenché dans le textile à l'usine Mode Bossu à Roubaix, et qui nous conduit donc à un travail plus particulier sur cette ville et sur ce quartier. Ce sera prolongé en fait par un film, mais cette fois en Super 8, au Portugal, l'année 75. Donc voilà pour la première dimension, donc, qui est la première expérience que j'ai de la vidéo, qui est donc très liée à une volonté d'utiliser une dimension de la vidéo, qui est cette possibilité en fait de faire circuler l'information rapidement d'un lieu à l'autre, puisqu'il y avait plusieurs entreprises en grève, et d'autre part qui est aussi une possibilité d'un retour rapide pour les personnes filmées, mais je ne sais pas. Deuxième rencontre, c'est donc la rencontre avec un deuxième groupe d'étudiants qui va devenir le collectif donc Heure Exquise, basé à Mont-Saint-Barœul, et qui lui donc travaille sur là encore sur un terrain bien délimité, la ZUP de Mont-Saint-Barœul. D'abord sous forme d'un ciné-club, puis ensuite sous forme d'un groupe qui réalise des montages diapos, créé en 78 donc, et qui assez rapidement donc partira sur la vidéo, mais donc plus tardivement par rapport à la chronologie évoquée tout à l'heure. Voilà. C'est à partir de là donc que l'on va rentrer en relation avec d'autres coopératives et d'autres revues. Et en particulier, donc, ensuite, avec Cinéma Politique. Voilà. Je voudrais souligner aussi la grande importance qu'a eu pour moi toute la dimension des lectures et la confrontation, donc, à plusieurs revues. Je ne reviens pas sur les cahiers du cinéma, même si c'était pour en faire ensuite une approche plus critique. Cinétique, parce que nous avions dans l'équipe quelqu'un qui écrivait dans la revue. Le monde diplomatique et cinéma arabe, bref, bien des revues qui m'ont très vite informée et ont suscité mon intérêt pour tout ce qui était donc en fait structuration du cinéma, puis ensuite un début d'audiovisuel dans les autres continents, et donc en liaison avec les mouvements d'indépendance et de libération nationale de la période. Voilà, donc c'est ça mon petit parcours de début et qui conduit donc à la réalisation de vidéos et de montages diapos et à une entrée en rapport avec Guy Hendel, avec les gens de cinéma politique, avec les gens de cinéma arabe, bref, avec toute une série de personnes qui enclenchent une réflexion. Voilà. Alors, puisque la réalisation de vidéos est relativement tardive, tu viens de l'expliquer à Heure Exquise, puisque vous commencez par des montages diapos, la vidéo elle-même, est-ce que tu peux préciser en quelle année, en gros, vous commencez à vous y lancer ? Puis on va peut-être voir un extrait, même si c'est plus tardif, un film complet que vous avez fait en 84, Le sourire de Jean-Marie, qui, hélas, peut avoir des résonances encore aujourd'hui, me semble-t-il. Donc, c'est à partir de 78 qu'on se met à la vidéo, avec donc un grand intérêt tout de suite pour les problèmes de la diffusion. Puisque très vite, l'idée va être d'aller les diffuser là où les gens sont, dans la ZUP. Donc, travail avec la maison des jeunes de Mont-Saint-Barœul, avec un centre, le centre Azimut, qui travaille avec des jeunes de la ZUP, et sur les lieux dans lesquels les gens sont, donc dans les lavomatiques, etc. Je ne vais pas revenir sur les textes de la vidéo Charrette de Rixquise, vous pourrez les retrouver par ailleurs. Donc voilà, donc ces documents vidéographiques donc sont dans un premier temps à la fois liés à des événements de la région ou à des événements plus d'audience plus nationale qui nous interpellent. Donc le problème c'est que donc nous démarrons un peu tard. Il y a d'autres vidéos faites dans la région, mais qui sont mal conservés, donc j'ai des petits soucis pour les diffuser. Donc j'ai pris donc cette première qui a été réalisée en 85, c'est un clip. Le sourire de Jean-Marie, donc vous l'aurez deviné, c'est quelqu'un qui sévit toujours malheureusement. Et peut-être pour recadrer, mais vous le retrouverez dans le final du film, c'était une période au cours de laquelle il y avait énormément de jeunes qui mouraient dans les cités. Et donc ces morts n'étaient pas toujours suivies d'enquêtes élucidant les conditions dans lesquelles les choses se passaient. Là aussi, c'est quelque chose qui va revenir dans l'actualité avec l'anniversaire de la marche pour l'égalité.